Puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes, et craignez Allah, au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les liens parentaux, certes Allah vous observe parfaitement. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il corrige et améliore vos actions et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, le plus véridique des récits est certes celui d'Allah, et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah, et la plus mauvaise des choses concernant la religion est celle qui a été inventée. Et toute chose inventée dans la religion est une innovation, et toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah Azza wa Jalla a dit dans son noble livre, le Coran, يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous fait réellement vivre, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il a été exposé dans ce verset différents bienfaits venant d'Allah Azza wa Jalla à l'égard de ses serviteurs, ainsi que l'exposé de l'immense droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sur ses serviteurs, à savoir que ces derniers doivent répondre à son appel. Et le fait de répondre à l'appel d'Allah et de son messager est une protection contre la mise à l'épreuve. Car la fitna, les troubles, si elle pénètre le cœur, elle l'endommage. Ce dernier devient alors troublé, ne reconnaît ni la bienfaisance, ni ne saurait blâmer le blâmable. Et parmi les causes qui permettent de se prémunir des troubles, il y a le fait de ne pas leur donner d'importance, c'est-à-dire aux troubles, et de ne pas y prêter attention. Il a ainsi été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit « Viendra un temps où il apparaîtra des troubles. Celui qui sera assis sera dans une meilleure situation que celui qui sera debout. Et celui qui sera debout sera dans une meilleure situation que celui qui marchera. Et celui qui marchera sera dans une meilleure situation que celui qui avancera hâtivement. Et celui qui s'y sera exposé précipitamment tombera dedans et courra sa perte. Et quant à celui qui aura trouvé refuge, qu'il y reste donc. » Il s'agit là d'une recommandation prophétique, que celui qui se sera exposé au trouble et au désordre courra à sa perte. Tandis que celui qui s'en sera écarté, Allah l'en préservera. Et par Allah, la mort est préférable à l'individu plutôt que celui-ci soit troublé dans sa religion. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa in kadu la yaftinunaka anilladhi awhayna ilayka liyaftari alayna ghayrahu wa idhan lattakhaduka khalila wa lawla an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idhan la adhaqnaka dhi'af alhayati wa dhi'af almamati thumma la tajidu laka alayna nasira. » Et ils faillirent te détourner de ce que nous t'avions révélé, en espérant que tu inventes à notre rencontre quelque chose d'autre. Et ils t'auraient alors pris comme ami intime. Mais si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais certainement penché quelque peu vers eux. Nous t'aurions alors assurément fait goûter le double supplice, dans la vie présente et dans l'au-delà. Et tu n'aurais ensuite trouvé aucun secoureur contre nous. Et il a authentiquement été établi par Ahmed, d'après le récit de Mahmoud ibn Labid radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Deux choses que l'enfant d'Adam, c'est-à-dire l'homme, déteste, alors que celles-ci sont en réalité un bien pour lui. Il déteste le fait d'avoir peu d'argent, alors que cela lui allégera son compte le jour de la résurrection. Et il déteste la mort, alors que la mort est meilleure pour lui que d'être pris dans les troubles. » Et également, parmi les invocations authentiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignées, il y a que le muslim dise « Et si tu as décrété pour tes serviteurs une fitna, reprends alors mon âme vers toi, non troublée. » Et la fitna peut être en rapport avec du shirk, le fait d'associer à Allah azza wa jalla quelqu'un ou quelque chose dans son adoration. Et il se peut aussi qu'elle soit en rapport avec une bid'a, une innovation religieuse, et une désobéissance, ou un resserrement du cœur, ou bien même une mise à l'épreuve, et d'autres types encore. Et cela ne fait aucun doute qu'il n'y a pas une année sans que celle qui la suit soit pire que la précédente. Il a ainsi été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit d'Abu Huraira radiallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, la fin des temps n'arrivera pas tant que l'homme ne passera pas près d'une tombe et qu'il ne se vautrera dessus dans la terre en disant « Si seulement j'étais à la place de celui qui est dans cette tombe !» Et cet homme n'enviera pas ce mort pour sa religion, mais plutôt à cause des difficiles épreuves qu'il subira. Ainsi ton argent et tes biens sont une épreuve et une tentation pour toi. Et ton enfant est une épreuve et une tentation pour toi, tout comme ton épouse est une épreuve et une tentation pour toi. Allah Azza wa Jalla a certes dit, Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum, fahdharuhum, wa in ta'fu, wa tasfahu, wa taghfiru, fa inna Allah ghafurur rahim. Ô vous qui croyez, vous avez certes en vos épouses et vos enfants un ennemi, prenez-y donc garde, mais si vous les excusez, passez sur leur faute et leur pardonner, alors sachez qu'Allah est pardonneur, très miséricordieux. Et il a aussi dit, subhanahu wa ta'ala, innama amwalukum wa awladukum fitnatum wallahu indahu ajrun azim. Votre argent et vos biens, de même que vos enfants, ne sont qu'une tentation, alors qu'il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Et il a dit, كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Toute âme goûtera à la mort, et nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est vers nous que vous serez ramenés. Il est donc obligatoire aux musulmans de s'écarter des troubles, loin de tout ce qui pourrait nuire à sa religion, loin de ce qui pourrait causer le resserrement de sa poitrine. À cet instant, il vivra dans le bonheur, car certes le bienheureux sur terre est celui qu'Allah aura écarté des troubles de la vie présente et celle de la mort. Et par Allah, Allah subviendra certainement à ses besoins, à condition bien sûr que celui-ci espère la récompense d'Allah éloignée des péchés. En effet, il a été authentiquement établi par Abu Daoud, d'après le récit d'Al-Miqdad, radiyallahu anhu, qui a dit, j'ai certes entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, certes le bienheureux est celui qui se sera écarté des troubles. Certes le bienheureux est celui qui se sera écarté des troubles. Certes le bienheureux est celui qui se sera écarté des troubles. Et quant à celui qui aura patienté lors d'une épreuve, ce sera alors là une chose étonnante. Cela veut dire que celui qui patiente lorsqu'une calamité le touche, il se sera écarté en cela des troubles, et cela sera en soi une prémunition pour lui contre elle et un échappatoire. Et dans les deux recueils de récits authentiques d'Al-Bukhari et de Muslim, d'après le récit de Zainabu binti Jahsh radiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est subitement rentré auprès d'elle en disant La ilaha illallah, malheureux bédouin du mal qui s'est approché. Une brèche s'est ouverte à l'endroit où sont renfermés Ya'juj wa Ma'juj, comme ceci, en formant un cercle avec son pouce et son index et en ne laissant qu'un petit écart entre les deux bouts des doigts. Zainabu binti Jahsh dit ensuite, ô messager d'Allah, serons-nous anéantis alors que parmi nous se trouvent des gens pieux? Il répondit, parfaitement, lorsque la perversité et les péchés augmenteront. Et du même ordre, il y a ce qui a été rapporté dans le récit d'Umm Salama radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est une nuit réveillé en disant, Subhanallah, que de fitnas ont été descendues cette nuit, que de miséricordes ont été descendues, qui va donc réveiller celles qui dorment dans leur chambre, ô Seigneur, habillées dans cette dunya et nues dans l'au-delà. Et ce récit a été authentiquement rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ainsi informé à travers ce récit que l'accomplissement d'adoration est une protection et une issue au trouble. Et qu'y a-t-il de plus méritoire que l'adoration pendant que les gens se perdent dans les tentations? Donc sois toujours orienté vers l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car celle-ci est considérée à ce moment comme une hijra vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme cela fut rapporté par l'imam muslim dans ce recueil de récits authentiques, dans le récit de Maqil ibn Yasar radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'adoration pendant les troubles et le désordre est-elle un exode vers moi? Et quel grandiose exode que celui vers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Il ne convient donc pas aux musulmans qu'ils soient négligents au sujet de l'accomplissement d'adoration à n'importe quel moment, et plus spécialement durant les troubles et la confusion, car la récompense à ce moment est beaucoup plus grande. Et il a été établi d'après le récit d'Anas ibn Malik radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il viendra une époque où celui qui patientera dans la pratique de sa religion sera tel une personne qui tiendra dans sa main une braise de charbon ardent. Et il a été rapporté dans le récit d'Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, viendra un temps où le meilleur gain du musulman sera celui du berger qui fera paître son troupeau en haut des montagnes et dans les contrées éloignées, s'enfuyant avec sa religion des fitaines, c'est-à-dire des troubles et du désordre. Ô toi le musulman, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, alif lam mim, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif lam mim, est-ce que les gens penseront qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Nous avons certes éprouvé ceux qui vécurent avant eux, afin qu'Allah distingue les véridiques des menteurs. Et parmi les issues des troubles, il y a le fait de se satisfaire et de se contenter de ce qu'Allah accorde comme subsistance et bien mondain. At-Tirmidhi a en effet rapporté, d'après le récit de Ka'b ibn Malik al-Ansari radiallahu anhu, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, deux loups affamés, envoyés vers un troupeau de bétail, ne sont pas plus dévastateurs que ne l'est l'être humain pour sa religion lorsque celui-ci court après la célébrité et l'argent. Et de nombreuses personnes ont été perverties dans leur religion à cause de ces deux choses, à savoir la course à la célébrité et à l'argent. Ô vous les gens, certes les gens des fitaines, les fauteurs de troubles, sont ceux dont les cœurs sont malades et perplexes. Il a ainsi été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit de Aïcha radiallahu anha, qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam récita un jour ce verset, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre, et il y en a d'autres qui peuvent prêter à diverses interprétations. Quant aux gens dont les cœurs qui ont un penchant vers l'égarement, ils mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant ainsi la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît la véritable interprétation si ce n'est Allah. Et quant à ceux qui sont bien enracinés dans la science, ils disent, nous y croyons, ils proviennent tous de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Puis Aïcha radiallahu anha dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, si tu venais à voir un jour ceux qui mettent l'accent sur les versets à équivoque qu'Allah a cités, prends garde à eux. Il est donc obligatoire de mettre en garde contre les gens de l'égarement et des fables. Et parmi les grandes causes de prémunition des troubles, il y a ce qui est évoqué dans le récit d'Al-Irbad ibn Sari radiallahu anhu, qui a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous exhorta un jour après la prière de l'aube d'une exhortation éloquente qui fit couler les larmes et fit frémir les cœurs. Un homme dit alors, cette exhortation est assurément annonciatrice d'un départ. Que nous recommandes-tu donc, ô messager d'Allah? Il dit, je vous recommande la crainte d'Allah, ainsi que la soumission et l'obéissance au gouverneur, quand bien même il s'agirait d'un esclave abyssin. Car ceux d'entre vous qui vivront longtemps verront beaucoup de divergences. Et prenez garde aux innovations religieuses, car elles ne sont qu'égarements. Ainsi quiconque parmi vous atteindra cette époque, qu'il s'accroche fermement à ma sunna, de même que celle des califes bien guidés, et qu'il les morte pleinement avec ses molaires. Et aussi, parmi les causes de préservation des troubles, il y a le fait de s'écarter de suivre aveuglément les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Ni les mécréants parmi les gens du livre, les juifs et les chrétiens, ni les polythéistes n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah privilégie qui il veut avec miséricorde, et c'est Allah le détenteur de l'abondante grâce. Également, parmi les causes qui permettent de sortir des fitnes et d'éviter les conflits, il y a le fait de pardonner et de renoncer à la vengeance. Allah tabaraka smuhu a dit: وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقَّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Nombreuses sont les personnes parmi les gens du livre qui aimeraient pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru par jalousie de leur part envers vous, après que la vérité s'est manifestée à eux. Laissez passer et renoncez à la vengeance jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Donc parmi les issues favorables des troubles, il y a le fait de s'accrocher fermement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi les invocations. Et combien Allah a-t-il soulagé de peine et sorti des gens de leur angoisse en raison de leurs invocations? Et combien de fitaines a-t-il éloigné grâce aux invocations? Et combien d'humiliations a-t-il fait éviter grâce aux invocations? Et combien de tyrans a-t-il réprimé grâce aux invocations? Et combien a-t-il préservé de musulmans d'être atteints de nombreux maux et malheur par le biais de leur invocation? Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. إِذَا النُّونَ يونس, le prophète Jonas, quand il partit irrité, il pensait que nous n'allions pas l'éprouver. Il s'exclama ainsi dans les ténèbres: point de divinité à part toi, gloire à toi, j'ai vraiment été du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes alors et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Car la plus grande des causes de sortie de toutes les calamités et des malheurs est la recherche de refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers l'invocation, le repentir, l'istiqam, le fait de s'établir dans la droiture du sentier, et at-tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'ordonnance du convenable et la condamnation du blâmable est également une grande cause pour sortir des troubles. Ainsi, l'imam al-Bukhari a rapporté dans son recueil de récits authentiques, d'après le récit d'An-Nu'man ibn Bashir radiallahu anhu, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: celui qui respecte les interdits d'Allah et celui qui les transgresse sont-elles des gens embarqués sur un bateau qui se sont divisés en deux groupes après avoir tiré au sort, l'un installé sur le pont supérieur et l'autre à l'intérieur. Et les gens qui se trouvaient à l'intérieur du bateau, lorsqu'ils voulaient prendre de l'eau, étaient obligés de passer entre les gens qui étaient installés au-dessus d'eux. Ils dirent alors entre eux: pourquoi ne perçons-nous pas un trou dans notre compartiment à l'intérieur du bateau afin d'accéder à l'eau directement sans avoir à déranger et gêner ceux qui se trouvent au-dessus de nous sur le pont supérieur? Ainsi, si le groupe du pont supérieur laissait les gens qui étaient à l'intérieur du bateau percer sa coque, ils mourraient tous. En revanche, s'il les en empêchait, ils seraient alors tous sauvés. Et nous avons, dans l'histoire des gens des Sibt, le samedi, de quoi méditer. Allah Azza wa Jalla a dit: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاذِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سِبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ سوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Et interroge-les au sujet de la cité qui donnait sur la mer, lorsque son peuple y transgressait le jour de Sibt, le samedi. Les poissons se rapprochaient de leur rive ce jour-là jusqu'en surface et ne venaient pas à eux les autres jours. Ainsi les avions-nous éprouvés à cause de leur perversité? Et lorsqu'un groupe d'entre eux dit: pourquoi exhortez-vous un peuple qu'Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère ? Ils répondirent, pour nous dégager de notre responsabilité vis-à-vis de notre Seigneur, et afin qu'ils deviennent peut-être pieux. Puis lorsqu'ils oublièrent ce qu'on leur avait rappelé, nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit de commettre le mal, et saisîmes par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Puis lorsqu'ils refusèrent par orgueil d'abandonner ce qui leur avait été interdit, nous leur dîmes, soyez des singes abjects. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, nul ne peut l'égarer. Et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul. Rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad est son serviteur et messager. Et parmi les plus importantes causes qui permettent de se prémunir des troubles et du désordre, il y a la crainte d'Allah et le fait de s'en remettre à lui. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Et quiconque craint Allah, Allah lui donnera une issue favorable. Et il lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah atteint certainement ce qu'il se propose. Et Allah a assigné une mesure à chaque chose. Allah subhanahu wa ta'ala accorde ainsi une sortie aux problèmes liés à la pauvreté, aux troubles, aux souffrances, de même qu'à tout ce qui pourrait être nuisible et préjudiciable, tant que tu crains Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Cette demeure dernière, le paradis, nous la réservons à ceux qui ne recherchent pas à s'élever sur terre ni à y semer la corruption, et l'heureuse fin appartient aux pieux. Il est donc obligatoire à tout musulman de craindre les fitaines et de s'en prémunir, qu'il s'agisse de fitaines liées à l'argent, les biens mondains ou aux relations avec de hauts dignitaires ou de nobles tribus ou toute autre chose de ce genre. Nul n'est en mesure de te soustraire de la punition d'Allah Azza wa Jal, ainsi que de son châtiment et de sa vigueur lorsqu'il saisit. Et crains l'invocation de l'opprimé, car il n'y a rien qui s'interpose entre elle et Allah. Et il a certes été établi par l'imam Tirmidhi dans son Jami', son recueil du récit, d'après le hadith de Ka'b ibn Iyad qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, à chaque communauté sa fitna, son épreuve, et celle de ma communauté est l'argent. Beaucoup de gens sont ainsi tentés, ne serait-ce que par une petite somme d'argent. L'imam muslim a rapporté en son sahih, d'après le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, empressez-vous d'accomplir de bonnes œuvres avant que n'apparaissent des troubles tels des lambeaux de nuit ténébreuses, au point que l'homme commencera sa journée en étant croyant et la finira en étant mécréant, ou qu'il finira sa journée en étant croyant et commencera celle du lendemain en étant mécréant. Il vendra ainsi sa religion pour une partie de cette dunya, cette vie présente éphémère. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil.